إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي الخطبة الماضية بارك الله فيكم تكلمنا عن منزلة الدعاء في الإسلام. وفي الدرس nous avons évoqué la place ou bien l'importance de l'invocation en islam. أما اليوم سنرى في خلال هذه الخطبة وفي خلال الخطب التي ستأتي إن شاء الله بإذن الله أنواع الدعاء. Aujourd'hui nous allons voir avec la première khutba, le premier prêche, concernant les sortes d'invocations qui est permis en islam. Il y a comme ça des dua qui sont permises en islam et d'autres qui sont interdites. Mais le dua, ma huwa mashrou' bal wajib yumlihi alayna rabbuna azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala yahuthuna ala dua'i. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous incite à l'invoquer. Il nous incite à lui demander. وَهُوَ سُؤَالُهُ وَحْدَهُ وَهُوَ سُؤَالُهُ وَحْدَهُ. C'est le fait de lui demander uniquement. Des fois, les gens ne donnent pas d'importance à la dua. On en avait parlé la semaine dernière, on ne va pas se répéter, mais on va faire des petites parenthèses. Ils ne donnent pas d'importance à la dua. On avait vu que les compagnons, radiyallahu anhum, et les prophètes avant les compagnons, ainsi que le prophète, alayhi wa sallam, ils avaient mis la dua en première position. Ça veut dire quoi ? كان الأصل عندهم. الدعاء كان الأصل عندهم. أما اليوم في زماننا هذا أصبح الدعاء فرعا. Aujourd'hui, la dua pour nous n'est pas plus important que d'autres choses qui ne sont pas plus importantes. ومنه ما هو محرم واعتبر ربنا قائله مشركا به. Il y a des dua qui sont interdites par l'islam. Il y a des invocations qu'on n'a pas le droit de faire, que notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala a considéré la personne qui fait ce genre de dua comme polythéiste, mushrik. ومنه ما اختلف فيه متأخر علماء المسلمين فمنهم من أجازاه ومنهم من حرمه. Parmi les savants de la communauté, aujourd'hui il y en a qui ont dit que la dua se divise en deux. Il y a des dua qui sont interdites et il y en a d'autres qui sont permis. Nous on a parlé la semaine dernière de l'importance de l'invocation. D'accord, on a parlé de l'importance de l'invocation, on sait que maintenant c'est important de faire des dua. On le sait, alhamdoulilah. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala? On sait que l'alhamdoulilah c'est important. Comment maintenant on doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala? Que man habbou? Que le hadith dit, il voulait qu'on ait dit que man habb? Là, chacun est venu, il va dire moi je fais la dua comme je veux. Là, barakallahu fik. On a qu'à surout, on va voir des... Il y a des conditions. Il y a des conditions pour faire la dua. C'est pas que tu viens et tu dis, bon tiens, moi aujourd'hui je vais faire une dua comme ça, comme je veux. Mais si tu m'as pas même ça. Naam. أما العلماء المتقدمون فلم يقل أحد بجوازه. Et parmi les pieux prédécesseurs, parmi les savants des pieux prédécesseurs, ceux qui ont dit aujourd'hui qu'il y a des du'as qui sont permises alors qu'elles sont interdites, les ulama d'avant, ils disaient que toutes ces genres de du'as étaient interdites. Celles qui n'étaient pas mashrou'a tab'an. La tu s'en arras, c'est les khutadina hadihi. Nouadjitu hada l'anwa معتمدين بذلك على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة الصحيحة ومنهج السلف الصالح في سياق الكتاب والسنة. إن شاء الله durant deux ou trois semaines, je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre, on va expliquer les différentes sortes de dua, comment faire la dua, est-ce que la dua, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, qui se disent, mais attends, هل إذا دعوت الله يخالف هذا الأمر قضاء الله وقدره. Il y en a qui se disent, qui se posent cette question, si on fait la dua, est-ce que ça va à l'encontre de la prédestination ou pas? فأنا ما في خلال خطبنا الأدلة المشروعة بالكتاب والسنة طبعا وفهم سلفنا الصالح. فالدعاء الشرعي, الدعاء الشرعي c'est quoi الدعاء الشرعي؟ c'est l'invocation conforme à la législation divine. Ce sont les invocations conformes à la législation divine. وهو ما أمر الله به عز وجل أن ندعوه به وقد أرشدنا إلى ذلك في كثير من آياته عز وجل وعلى لسان رسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يجوز للمسلم العدول عنه. Donc ces duas qu'on a le droit de faire ou ces duas qu'on n'a pas le droit de faire, comment nous on sait si on a le droit de les faire ou pas? C'est parce qu'elles ont été légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. شكون اللي خبرك؟ شكون اللي قالك بلي هذا الدعاء جائز وهذا الدعاء لا يجوز؟ شكون يخبرك؟ الله سبحانه وتعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما قلنا ودائما نردد هذا الكلام, اي حاجه اي حاجه تحب تديرها ما تديرهاش من راسك. شوف بارك الله فيك القران, شوف السنه الصحيحه. وعندما نقول السنه الصحيحه نقصد بذلك الحديث الصحيح الذي ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث الضعيفة والموضوعة كثيرة جدا. Nous quand on dit السنة الصحيحة, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire le hadith authentique, authentifié, le hadith sûr. Quand tu veux faire quelque chose, dans la salle de mon frère ou de ma soeur, tu ne fais pas quelque chose de ta tête. Tu regardes dans le Coran. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré ou l'a là? Est-ce que le prophète alayhi salatu wa salam l'a enseigné ou bien non? Si oui, Allahumma barik. Sinon, s'il ne l'a pas légiféré, on ne le sait pas. On a tous hadith que nous nous tqarrab de l'Allah. Si c'est un tel jour, dit le ma'ni, même si je n'ai pas dit, « Karim, barakallahu fi, rakkibi rohadul halak. » Je ne veux pas te servir de faire ce que tu veux faire, mais en faisant cet acte qui n'a pas été instauré, là, le mal kitab, ou à la mine sunnah, tu vas à ta perte. Tu vas à ta perte. Et nous, c'est ce qu'on veut éviter. Déjà, nous, on a dit, « Al-Aslikna, al-Aslikna, Allah, l'idée qu'on a, yani, wasila lil-akharin, là, Allah, s'il te plaît, irhamuna. » Déjà, nous-mêmes, on ne sait même pas si on est sauvé ou pas, alors si on peut être la cause pour aider d'autres frères et d'autres sœurs, Inch'Allah, comme je le dis toujours, on est le maillon de la chaîne. On est une chaîne. Et chacun de nous est un maillon. Où on se trouve, début, au milieu, à la fin, mais on est un maillon de la chaîne. Na'an. وَمِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Et celui qui va à l'encontre du message divin et de son prophète, alayhi salatu wa salam, c'est qu'il a désobéi à Allah et à son prophète. وَجَاوَزَ الْحُدُودِ التي نهى سبحانه وتعالى أن يتعداها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. Et celui qui transgresse les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète, il ne se fait du mal qu'à lui-même. Il ne se fait du mal qu'à lui-même. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نعم. فهناك ما يسمى بالتواسل. التواسل, الدعاء, الطلب, القصد. Tous ces mots-là, ce sont des mots qui sont synonymes. C'est la demande. C'est la demande. Il s'est permis de demander avec les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. يجوز لك أن تدعو الله بأسمائه وصفاته. Il s'est permis de demander avec les attributs et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا النوع الأول. C'est la première sorte d'invocation qu'il s'est permis de faire. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها. الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف verset 180 il dit à Allah appartient les plus beaux noms. Un je connais pas ces noms-là. وقال ابن عباس رضي الله عنهما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ذات ليلة. Une nuit, le prophète عليه الصلاة والسلام il s'est prosterné devant la Kaaba الشريفة. Il faisait des dua. من الدعاء كان يقول فمن الدعاء الجزي ورثة أبو جهل إلى غتني. ماذا كان يقول؟ كان يقول يا الله يا رحمن او الله او لك ميزيكورديو. فقال ابو جهل كم صنون عندك جهل سنينيغو لقب بالجهل نعم بأبي جهل لأنه جاهل سبحان الله إلى الأوكازيون de vivre à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام de voir le prophète عليه الصلاة والسلام d'entendre le prophète صلى الله عليه وسلم de voir la révélation ورغم ذلك ما آمن رغم ذلك ما آمن لأن الهداية من الله la guidée qui fait qu'il la donne c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as vécu avec le prophète alayhi salatu wasalam, tu as vu le prophète alayhi salatu wasalam, tu as vu la révélation de descendre sur le prophète alayhi salatu wasalam, ou rahma dalika ma amut, et tu n'as pas cru. C'est pour ça que des fois, des frères et des gens, ils disent, « Anna, le kham kunt alayhi salatu wasalam, man kunt kima rami. » Rana nchoufu tariq. Rana nchoufu ken nas asum al rasul sallam, ou khadu ma amnouf, wa huma min ahl nar. Anna anta, alhamdulillah. ما عيسى نزل من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تعرفه بالسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتحب الرسول صلى الله عليه وسلم نعم كيف الذي دونك أبو جهل قال نهانا محمد طبعا وما قال صلى الله عليه وسلم نحن نقول صلى الله عليه وسلم نهانا محمد عن آلهتنا وهو يدعو إلى هيلي شوف سبحان الله شوف الجاهل شوف الكافر شوف المنافق شوف المشرك بالله دائما يحوس القلب في الذات الحاجة ذيك البسيطة اللي ما عندهاش قيمة ويحوس عليها لينيوغون ليبوكريت لو ميكخيان لو بوليثيست كونت ليغامان تقول ريغار ريغار لا ريليجيون ديفين ريغار لي زونسينيمون دالله سبحانه وتعالى ريغار لي زونسينيمون دو بروفيت عليه الصلاة والسلام الخير تو لو بيان اتر دو لا ريليجيون إلا فافي كيس كيلا في لا في لو بتي ديتاي كيل فالي سافوار فأنزل الله سبحانه وتعالى دونك كيس كيلا في أبو جهل عفوا Il a dit, Mohammed nous interdit à nous d'adorer des divinités. Et lui, il adore deux divinités. Il adore Allah et il adore Ar-Rahman. Sur tout ça. Allah al-Musta'an. Fa'anzal Allah hadhihi al-aya. Allah subhanahu wa ta'ala donc a révélé ce verset. Qul, ud'u Allah ou ud'u Ar-Rahman. Ud'u Allah ou ud'u Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahu al-asma'u al-husna. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ici dans ce verset là Allah subhanahu wa ta'ala de la sourate Al-Isra verset 110 il nous dit dit يعني قل لهم يا رسول الله قل لهم dis-leur invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux quel que soit le nom par lequel vous l'appelez il a les plus beaux noms نعم اذا تخير تقرب بارك الله فيكم تقرب قليلا جزاك الله خير غفوا سيبوا ان شاء الله فدلا تصابوا الشخص بيان داريفي ان روتار مي جو فودوني اون بون نوفيل الحمد لله ان شاء الله ا partir d'une dizaine de jours on va avoir une deuxième salle aussi grande que celle-ci on va avoir une deuxième salle aussi grande que celle-ci et on pourra accueillir plus de fidèles باذن الله faudra remercier Allah subhanahu wa ta'ala ثم الإخوة الذين قاموا بواجبهم. remercier aussi les frères qui ont fait l'effort d'essayer d'acquérir une salle plus grande. Elle n'est pas très loin d'ici. نعم, on continue. Et dans ta prière, ne récite pas à voix haute. Dans ta prière, quand tu fais une prière surérogatoire, tu n'es pas obligé de réciter à voix haute quand tu fais une prière surérogatoire. Quand tu fais quelque chose, comme on le dit tout le temps, tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'es pas obligé de le faire pour que les gens ils te disent « Ah, machallah, il y a une belle lecture, lui. » On n'a pas besoin de ça. Et pourquoi ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne le prophète, alayhi salatu wa sallam, de craindre et de trop savoir ?« Il est anna al-mushrikoun al-mukadjiboun l'iktabillah. » Les polythéistes, ceux qui ont démenti le Qur'an, « Kana ida sami'u al-Qur'an yukla faddabur. » Quand ils entendaient la récitation du Qur'an, ils le démontaient, وَيَسُبُّهُ كَنَا يَسُبُّ الْقُرْآنِ Ils insultaient le Qur'an. وَيَسُبُّ مَنْ جَاءَ بِهِ Et aussi, ils insultaient celui qui est venu avec le Qur'an. C'est qui celui qui est venu avec le Qur'an? C'est le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. نعم. Et dans la suite du verset, وَلَا تُخَفِّدْ بِهَا وَبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلَا Et dans la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Et ne la laisse pas trop non plus. à tel point qu'on ne s'entend plus. Pourquoi? Parce que le but de la lecture, c'est aussi la peine. C'est-à-dire que maintenant, si tu fais une récitation correcte, pas trop forte, à tel point que ça dérange, et tu ne fais pas à voix basse, à tel point qu'on ne s'entend plus, tu fais un appel à l'islam. Les gens qui passent et qui t'entendent, ils vont entendre la belle lecture qui est le Coran. Et ça peut être la cause de la guidée. وابتغ بين ذلك سبيلا من شرط جست من ضبط لد نعم وقال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم et votre Seigneur a dit invoquez moi et je vous exaucerai وقال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين c'est toi que nous adorons et c'est en toi que nous cherchons la protection ici ومعلوم أن الاستعانة كالاستغاثة كلاهما دعاء ومن المعروف لغة أن تقديم المفعول على الفعل يفيد الحصر فلا يجوز للمسلم المؤمن بربه أن يدعو غير الله تبارك وتعالى فهو وحده الذي يجب أن يدعى ولا يدعى معه أحد Et on sait très bien, pour ceux qui ont fait de la langue arabe et qui ont étudié la grammaire, ils savent que quand on fait devancer le complément d'objet direct devant le verbe et son sujet, c'est pour donner une idée de hasr. Ça veut dire quoi? Ici, si je vous donne un exemple, pour qu'on comprenne la situation. Aliyun shuja'. Aliyun shuja'. Ali, il est courageux. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette phrase-là? On peut comprendre que Mohammed, il est aussi courageux. Que Abdullah aussi le courageux. Amma idha qulta as-suja'u Ali, il n'y a de courageux que Ali, on sait que les autres ne sont pas courageux. Ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala bi'ilmi, il a fait devancer le complément d'objet direct, wa la naqulu bismi, yani la naqul anna Allah qala maf'ul bihi, ismul jalala, kiraman wa adaban ma'a Allah. C'était pour faire voir que n'a droit d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala. N'a droit à la demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la demande ici, ça peut être la demande de secours, ça peut être la demande de pardon, ça peut être la demande de la guider, etc. Il y a une demande mutlaqa. Na'am. Wa min ajli hadha ba'atha Allahu an-nabiyyina wal mursalin mubashirin wa mundirin li yufridu Allah subhanahu wa ta'ala bil 'ibadati والدعاء والدعوة إليه. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé les messagers ainsi que les prophètes mubashirin en annonçant la bonne nouvelle wa mundirin en annonçant aussi la mauvaise, le châtiment qui les attend ceux qui ne suivront pas le chemin divin. Na'am. لِيُفْرِدُ اللَّهَ وَحْدَهُ afin qu'il La yushrikuna billahi shay'a afin de ne pas associer à Allah subhanahu wa ta'ala d'autres divinités batila, fausses. L'insan qui dit qu'il y a Rabbi, il dit qu'il y a Rabbi. Le kafir, taqtih. Il dit qu'il y a Rabbi, il dit qu'il y a Rabbi. Walakin huwa Rabbi ta'u kifa. Kul wahid kifa yusuf Rabbi. Walakin il dit qu'il y a Rabbi kada, ou l'akhir il dit qu'il y a Rabbi kada, ou l'akhir il dit qu'il y a Rabbi kada. Lihada, al-rusul wal-anbiya qui jau. ما جاوش باش يقولوا يا ناس اعبدوا ربي كان ربي لا جاوا باش يقولوا يا ناس قولوا لا اله الا الله في الزمن هذا الذي نعيش فيه وفي الزمن الذي فاتنا ناس يعبدون الهات كثيره ولكن نحن نوحده وهذه خدمه الانبياء والمرسلين وخدمه العلماء والدعاة في سبيله سي كون طرافي دي بروفيت سي كون طرافي دي ميساجي ils sont pas venus pour dire aux gens. Ils ne sont pas venus pour dire aux gens qu'il existe plusieurs divinités ou qu'il existe un Dieu, il faut croire en Dieu. N'importe qui aujourd'hui présent, quand tu lui dis que tu crois en Dieu, il va te dire oui, je crois en Dieu. Et celui qui te dit non, moi je ne crois pas en Dieu, je suis athée, en vérité il croit en quelque chose. Mais comme il ne veut pas se soumettre parce qu'il est orgueilleux, il va te dire moi je crois en rien, pour comme ça il n'est pas embêté. Mais au fond de lui-même, quand il dort la nuit et quand c'est la nuit totale, et qu'il ne sait pas s'il va se réveiller demain, c'est sûr qu'il ne va pas avoir peur. Il dirait moi si je meurs demain. Appelle-le, regarde le mot. Parle-lui rien de la mort et tu verras. Tu verras. Il va te dire, non, on va être poussière, on n'en parle plus. Masha'Allah. Il le dit avec sa bouche, mais il ne le croit pas avec son cœur. Na'am. Wa min ajli hadha ba'atha Allahu an-nabiyyin wal-mursalin mubashirin wa mundirin liyufridu Allah subhanahu wa ta'ala bil-ibadati afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala uniquement dans tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie. Tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie, tu le fais uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwa at-tawhid al-uluhiyya. Et c'est ce qu'on va appeler l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Quand tu pries pour Allah. Quand tu jeûnes, c'est pour Allah. Quand tu jures par Allah. Quand tu sacrifies, c'est pour Allah. Quand tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala et tu ne demandes pas à autrui. Non. Wad-da'wah ilayh. Même l'appel que tu vas faire, même quand tu vas appeler les gens. Quand tu vas appeler les gens, tu appelles à l'unicité divine. Tu ne dis pas, mais Aline, c'est pas grave, aujourd'hui les gens ne comprennent pas, on va leur donner des intermédiaires, le temps que tu comprennes, et une fois qu'ils ont compris, non. Ma hakada fa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas comme ça qu'il a fait le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Prends tes enseignements du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Prends tes enseignements des compagnons. Comment ils ont compris le message divin? Prends ton enseignement à la source. Al-manba', al-kitab, wa sunna, wa fahmi salaf as-salih. Avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Tu peux pas me dire aujourd'hui, oui, mais moi j'ai le niveau pour pouvoir comprendre le Coran et la sunna tout seul. نعم وهذا ما يقصه الله علينا في سورة الجن من أنه لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الجن والإنس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى انزعج من هذا فساقهم للبروفيت عليه الصلاة والسلام quand il a invité les gens à l'islam à la soumission parce que tous les prophètes ont invité à la soumission à l'islam. Il n'a pas invité simplement que les humains. Il a invité aussi les génies. وَهُنَا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ الْأَنِ مِنَ الْجِنِ مَعَنَا مَنْ يُصَلِّ مَعَنَا. Parmi nous actuellement, il y a des génies qui sont en train de prier avec nous. نعم. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, il les a invités aussi. Ils ont droit à la prêche. Alors quand il a commencé à faire da'wah, il a invité les gens et les génies. Et alors les pervers, les injustes, les mouchriquins de cette époque, ils ont voulu tuer le prophète, alayhi salatu wa sallam. Ils l'ont dérangé dans sa da'wah. La preuve, elle est dans le surat, al-jin. Il y a une surat complète. Une surat complète dans le Coran, surat al-jin. La surat des génies. Ici, qu'est-ce qu'il nous montre Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, وَنْزَعَجَ مِنْ هَذَا فُسَّاقُهُمْ وكادوا أن يقضوا عليه تخلصا منه ومن دعوته لربه سبحانه وتعالى ولم يكن له من ذنب. Et c'est quoi le péché du prophète عليه الصلاة والسلام? Et le péché de tous ceux qui invitent au message du prophète عليه الصلاة والسلام? C'est quoi leur péché? C'est d'inviter les gens à l'islam pur. Un islam pur. Sans innovation, sans actes et paroles de kufr. Ou bien de shirk, c'est ça. Quand on dit aux gens retourner à la source, c'est de retourner à l'islam pur, que ce soit dans ton adoration, que ce soit dans ta croyance, c'est aqidatika, c'est manhajik, c'est sulukik, c'est adabik, c'est mu'amalatika ma'annas. Mais vous n'allez pas, je ne sais pas, l'abdina khsour ou l'abdina drahmek ou là. Là, vous n'allez pas, irja l'abdikab ou irja l'abdina la fin de salat salat, c'est ce qu'on a. أين العيب في هذا؟ هل هناك عيب؟ نعم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن له من ذنب إلا أنه يدعو ربه ولم يشرك به أحدا. دعا الله سبحانه وتعالى وحده وما شركش مع ربي سبحانه وتعالى. والدليل قوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداء. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. نعم أيها الإخوة, هذا بيان من الله سبحانه وتعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الجن. Ici dans ce bayan là on peut s'apercevoir comment Allah سبحانه وتعالى nous incite à l'invoquer lui seul et unique. Donc, dans le sens rapproché et relatif du verset, et vous vous apercevrez d'une chose, c'est que quand j'ai récité, je n'ai pas dit « A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim ». Et je n'ai pas non plus dit sadaqallahu al-azim. Ma kult a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Wa ma kult sadaqallahu al-azim. Lian hadha laysa min as-sunnah. Idha aradta an tubayyana lin-nas, laysa hadha ash-shart an taqul a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. ولكن إذا أردت أن تقرأ كتاب الله هنا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Quand tu veux démontrer un verset à quelqu'un dans un discours, dans un bal ou à un frère, tu n'es pas obligé de dire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ça ne fait pas partie de la sunna. Tu dis le verset qui est mentionné. Et tu ne dis pas non plus صدق الله العظيم. هذا ليس من السنة. الصحابة عندما كانوا يقرؤون القرآن وينتهون منه لا يقولون صدق الله العظيم. لا يقولون هذا. حتى الرسول ما قال هكذا. نحن ما نقول صدق الله العظيم ولكن صدقنا بقول الله صدقنا به صدقنا ici donc dans le sens rapproché de ces versets là et quand le serviteur d'Allah et le Rasoul صلى الله عليه وسلم s'est mis debout pour l'invoquer il en parlant des djinns faillir se ruer en masse sur lui pour l'écouter باش يسمعوا القراءة باش يسمعوا هذا القرآن المنزل من الله Monsieur Sulho, Naam, ils se sont donc rués vers lui pour écouter le message divin. Alors le prophète, alayhi salatu wa salam, en récitant, il disait, dit, il y en a des mains, Allah s'en parle, lui dit de dire, dit, je n'invoque que mon Seigneur, je n'invoque que mon Seigneur. Rapprochez-vous, barakallahu fikoum, rapprochez-vous un petit peu, barakallahu fikoum. Je n'invoque que mon Seigneur. Et ne lui associe personne. Dis, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le droit chemin. Dis, vraiment personne ne pourrait me protéger contre Allah, et jamais je ne trouverai de refuge en dehors de lui. Ici, on voit bien le message divin. On voit bien le message divin. C'est à nous de lire. Qu'est-ce qu'il nous est demandé ? Ma huwa al-maklub ? المطلوب أن تقرأ كتاب الله وأن تفهمه وبعدما فهمت كتاب الله أن تدعو إليه فكيف تدعو إلى كتاب الله بفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هكذا تقول أنا فهمت القرآن وحدي وخلاص لا بارك الله فيكم إن فقط تلالي القرآن إكس تلالي في القرآن إكس تلالي عن أبليكاسيون تلالي القرآن Tu l'invites à la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam. Naam. Wa su'alu Allah wahda, la sharika lahu, huwa ma alayhi ijma'u l'umma, salafan wa khalafan, wa lam najid ahadan, min a'immati l'huda wa taqwa, qala khilafu hada. Et la compréhension de la demande de Allah subhanahu wa ta'ala quand tu invoques, quand tu fais du'a. Ça, c'est ce que les savants contemporains ainsi que les savants les plus prédécesseurs, ceux qui nous ont précédés, ont compris. Et jamais parmi les savants pieux, les savants de science, les savants qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, ont dit que non, ça voulait dire autre chose d'invocation divine. Il l'a, mais on trouve toujours l'exception. Il l'a شردمة من الجهال بالإسلام أو من فساق المسلمين وربما كانوا من المنافقين تظاهروا بالعلم والإسلام وأبطلوا الفسق والعصيان. Mais tu pourras pas percevoir qu'il y en a quand même parmi des savants que tu crois que ce sont des savants, mais ne connais un savant qu'un savant, et nous comme on n'est pas des savants et qu'on ne demande pas aux savants, on ne reconnaît pas le savant. Et alors on demande à n'importe qui. Et après ça fait des dégâts dans la communauté. Chacun est venu et se dit moi je vais te donner une fatwa, viens voir, tiens, c'est quoi ton problème? Alors il t'écoute, t'as pas un petit billet. Ah, vous êtes égoulou, t'as pas un petit billet, c'est une belle fête, t'inquiète pas. Eh, ça aide. Ça aide l'herbe, ça aide. Ça, c'est du jeu. Là, on n'accepte pas ces choses-là. On demande aux savants reconnus. Un madjid te dit l'umma l'il-halak, man anta. Hal anta de l'alim, am la. Naam, foulam alim. T'as ma smatou, chata. Fait, même l'adjid chattah, c'est le mec. Je connais chattah, c'est l'adjid manjila. أنت ولا أنا ولا العلماء الكبار إذا كان العلماء الكبار قالوا بأن فلان عالم طيب أما لا لا نأخذ ماشي نأخذ الكلام من كل من هبة ودبة ليجي ويحكينا واحد يحكينا قصة والآخر يحكينا فتوى والآخر يحكينا ومدرسة ومقرا لا les réponses elles se prennent de la bouche des grands savants c'est pas toi et moi qui allons juger et dire que un tel est savant c'est un savant lui-même, un savant en religion, un savant dans le domaine religieux, qui connaît le Coran, qui connaît la Sunna. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui vient et qui dit moi je suis un savant. Déjà celui qui vient et qui dit moi je suis un savant, Ada Akoub Lidjal Kbir. Ou Ahdi Jibul Kana'amna Arab Lidjal Kbir. Celui qui vient et qui dit moi je suis un savant, soit qu'en vérité c'est un grand ignorant. Le savant jamais va dire moi je suis un savant. Au contraire, le savant est à Wada. Tu lui poses une question, il va t'envoyer chez quelqu'un d'autre. Il va pas te dire je sais pas parce que si c'est, il ment. Il va t'envoyer voir quelqu'un d'autre. Comme l'imam Malik rahimahullah. L'imam Malik rahimahullah, عندما سئل كم الأسئلة أكثر من 60 أو 40 في بعض الروايات. Il a répondu à combien? Il y avait 40 ou 60 questions. Il a répondu à 4-5 questions. Quel est l'imam Malik? L'imam Malik, il ne sait pas répondre. قل له الإمام مالك أجاب على هذه الأسئلة. Leur dit que l'imam Malik, il a répondu à ces 4 questions. Parce qu'ils connaissent la responsabilité. Ils connaissent la responsabilité à même Allah. Ils savent qu'ils répondront de tout ce qu'ils ont dit. Non. إلا شرذمة شرذمة من الجهال بالإسلام أو الفساق المسلمين ou bien des gens qui ne sont même pas pieux, des gens qui ne sont même pas pieux et ils viennent et ils te répondent à des questions, ils te répondent à des questions. Combien de fois on a rencontré des gens comme ça en pleine discussion, la prière n'était pas la prière, ils viennent pas et ils sentent l'alcool dans sa bouche, ils sentent l'alcool ou ils disent قل قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. C'est bon? أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. نعم وغرضنا أن نبين الأدلة المشروعة في الدعاء وكيفية سؤال الله عز وجل من خلال السنة الشريفة الصحيحة وما كان عليه السلف الصالح فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قول. Et donc depuis tout à l'heure on est en train de parler qu'on peut, il est permis d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et ses attributs, et on va le voir justement comment le prophète alayhi salatu wa sallam invoquait Allah par ses noms et ses attributs. فقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك هو الله سبحانه وتعالى je te demande donc par tous les noms par lesquels tu t'es mentionné به نفسك أو أنزلت في كتابك ou que tu as descendu dans ton livre أو علمت أحدا من خلفك ou que tu as enseigné à une de tes créations mais si en parlant des prophètes et des messagers أو استأثرت به في علم الغيب عندك ou bien que tu as gardé auprès de toi. Et ici ça nous prouve que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas que 99 noms. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas que 99 noms. Ça, ce sont 99 noms qu'il nous a mentionnés. Mais ceux qu'il n'a pas mentionnés et qu'il a gardé auprès de lui, il y en a d'autres. Na'am. C'est ilm al-ghayb indik an taj'al al-Qur'an rabi'a qalbi. Alors je te demande par l'intermédiaire de tout ce qu'on a précité ici, que tu fasses le Qur'an le printemps de mon cœur. نعم ونور صدري اكسيتيون فاس لينيير دو ما بوتين اي يعني به ارتاح قال انت ميديا دو القران سي تا بارول جو مي ريبوز جو مي ترانكيليز وجلاء حزني وذهاب همي وغمي اي دونك كو جو تروف لا ترانكيليتي دو مي سوسي اي دو مون انغواس الا اذهب الله همه وغمه وابدله مكانه فرحا. Et alors si tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire, donc c'est attribué ses noms, et par l'intermédiaire de ce dua-là, Allah subhanahu wa ta'ala changera tes angoisses, tes soucis et tes problèmes de idnillah par une tranquillité que tu trouveras dans ton cœur. Qalu, qu'est-ce qu'ils ont dit alors les compagnons? Ya Rasulallah, afala nata'allamahunna? Est-ce qu'on doit apprendre, est-ce qu'on doit les apprendre ces dua-là? Qala bala fa'a, yandari liman yasna'uhunna an yata'allamahunna. Et Shaddada, c'est à la mine, il a dit oui, certes, que celui qui entend ce genre d'invocation, qu'il apprenne ce genre d'invocation, et qu'il invoque avec ces deux-là. وقد دل الحديث على أن التواصل إليه سبحانه مشروع محبوب بأسمائه. Et donc ici on peut s'apercevoir que dans ce hadith là on peut demander par l'intermédiaire des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. وصفاته ومثل ذلك حديث الاسم الأعظم. Ou dans un autre hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام il nous dit: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. Ici le prophète عليه الصلاة والسلام n'a utilisé que les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, je te demande ou je t'implore, toi à qui appartient la louange, il n'y a point de divinité hormis toi, tu es l'unique, tu n'as pas d'associé, tu es le bienfaiteur par excellence, tu es l'inventeur des cieux et de la terre. Pourquoi j'ai dit l'inventeur et je n'ai pas dit le créateur? On sait que Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur. Voilà qui l'inventeur ici dit merna qu'il n'y a pas d'autre divinité capable de créer une chose comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a créée. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y en a, il y a eu un problème à un certain moment, et après on terminera vite fait, et je vais vous laisser. Il y a eu un problème avec le problème du clonage. Et on en a parlé, alhamdoulilah, aujourd'hui les gens ils sont au courant de ce qui se passe. Le clonage, il ne faut pas croire qu'ils ont créé. Ils n'ont rien créé du tout. Quand on dit créer, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire créer du néant. Créer min al-adam, de rien du tout. Là c'est créer. Ah mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une photocopie de la vache et de la chèvre ou du mouton, je ne sais quoi. C'est tout ce qu'ils ont fait. Ils ont pris les ingrédients, tel ingrédient, telle sauce, telle sauce, telle sauce. Ils ont fait une composition et ils ont fait sortir un clone. Elle est où la difficulté? Elle est où la création dans tout ça? Ils n'ont rien créé du tout. C'est comme si maintenant moi je prends un livre et je fais la photocopie d'une page qui m'intéresse. J'ai créé quelque chose, j'ai fait une photocopie. C'est pareil, le clonage, c'est ce qu'ils ont fait. Mais nous, quand on dit créateur, inventeur, c'est vraiment créer du néant, de rien du tout. Et ce droit-là n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Na'am. L'inventeur des cieux et de la terre, qui est plein de majesté et de bonté, tu es le vivant, et tu es celui qui se pourvoit de rien du tout. Na'am. وفي حديث آخر ونكتفي بهذا وفي الحديث الآخر أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Dieu, je te prie en te témoignant que c'est toi qui es Dieu unique et qui n'as point d'associé, point de divinité hormis toi, tu es le seul et unique, l'absolu, celui qui n'a jamais enfanté et n'a jamais été enfanté, et nul ne lui est égal et semblable. هذه يعني في الحقيقة الخطبة الوقت ما يسع الناس بس يتكلمون يقولوا قاوا حبون يقولوا. Le problème quand on fait une khutba, c'est qu'on a beaucoup de choses à dire. Et des fois on sort un petit peu du sujet, on revient, on donne des exemples. Mais le temps ne nous permet pas. Si on avait le temps de continuer ce qu'on voulait continuer, on aurait vu d'autres hadiths et d'autres paroles. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم ولف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات منهم الأحياء والأموات لهم ميتنا لهم اغفر لهم وارحمهم في قبورهم وارحمهم من صب عليهم من ابائنا واجدادنا انك على كل شيء قدير. واليوم حي اللهم ارحمهم في الدنيا بالاخره ان شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.